souvenir, souvenir, tu me fais sourire. Et j'ai la nostalgie des surprises parties. Quand tu sonnes, saxophone, bubblegum. Je t'aime un peu beaucoup, on flirte et puis c'est tout. Au fond de mon cœur, que tu swings ou que tu pleures, la vie est belle, saxophone. C'est du soleil quand tu sonnes. Sweet saxophone, j'écoute le locomotion.